Avis à mes frères de France. Avis à mes frères de France. On se regroupe, mais garé, c'est si t'es calme, celle-ci t'es calé. Avis à mes soeurs de France. Les bonnes routes, mais pas des cesses, si t'es pas net, celle stream t'es calé. Avis aux rappeurs de France. On coupe, coupe, efface, c'est si social, impossible, t'es calé, Guista. Foutu lance, c'est fort, je la reste mise là. Concurrence, c'est gorge là. 150, recherché comme l'armée par où ça m'a mené. Et tous les frères, tiers du point de départ jusqu'où ça m'a mené. Lâche pas, accepte ta force de frappe, c'est tout frais. Qui aurait prédit que cette salope de rap, c'est tout frais. C'est sur ce malheureux texte que t'attardis l'agresseur. Dis-moi que ça défonce, encore heureux bâtard, j'y passe des heures. Moi j'suis né pour foutre le seum, j'attendrai pas les concerts. Non, j'arrive comme une convoque pour une affaire vous concerne. Nettoyage, en guise secoué de postage. Et la rage, en guise de bouée de sauvetage. Avis à mes frères de France, on se retrouve mes canets. C'est si t'es calé, c'est si t'es calé. Avis à mes soeurs de France, les bonnes routes mes canets. C'est si t'es calé, c'est si t'es calé. Avis à mes frères de France, on se retrouve mes canets. C'est si t'es calé, c'est si t'es calé. Avis aux rappeurs de France, on coupe, coupe, mais pas si c'est si, sauf qu'un impossible, hein, décalé. Et donc j'arrive, j'ai le bras de fer. Rideau s'écarte et je dois le faire. Moi je viens des rues, tout le reste c'est quatre étoiles, frère. On a tous les gros fêtes, sans les deux fins trop faites. Tous unis derrière les galères, confidence d'un prophète. Alors tu croyais le danger, frérot, ça c'est le monstre, une peur. Blasé Sofiane, tête du championnat des constructeurs. Toutes ces rimes attaquent de fréconieuse. Fais pas le poids, vaut mieux. Se mettre à l'aise, mais cesse découpe les MC à la tronçonneuse. C'est chaud quand les bruits crient après un petit tri. Sauf qu'on prend dans le terrain, moi je suis pas les mecs de Vicky. Tous dans le secteur pour monter des affaires du rap. Fil conducteur, tout ce qu'on sait faire, la guerre du rap, c'est. Moi je perturbe l'ab, c'est. Ça laisse la porte, l'ouverture d'accès. Bref, on baisse la porte. On a tous appris, bien sûr, à dompter le vif. Fais chier à l'épouse d'un PC que sur la tombe d'Elvis. J't'explique le contexte, ils connaissent pas le délire de nos Mexico. Les couilles de cuir, un terrain de cesse à Mexico. Faut croire qu'on est visionnaire. Je sais que ça m'aidait, moi. Mais quand tu seras millionnaire, tu reviendras m'aider, moi. J'plique pour le dream, j'ai qu'aucun ne faire trahir ça. Un jour prochain, j'arrêterai des concerts pour faire les Rija. Et si j'couillais ta bourrée, ces centaines de rimes que j'labourais. J'prends de la place, tu verras le trône du rap devenir un tabouret. Viens, mes plats de France, on se retrouve, mes canets. C'est si, mes canets, c'est si, t'es canets. Avis à mes soeurs de France, les bonnes routes, mes palais. C'est si, t'es canets, c'est si, t'es canets. Avis à mes frères de France, on se retrouve, mes canets. C'est si, t'es canets, c'est si, t'es canets. Avis aux rappeurs de France, on coupe, coupe, mes passés. C'est si, sauf qu'un impossible, t'es canets. Tant qu'il y a encore moyen de débouler, y'a respect. Prends ta gorgée quand le doyen fait couler la DSP. Et demande, c'est qui sera peur qui règle ses comptes en trois fois cessé. Le piston enroulé qui fait glisser la cause de CC. Interdit d'accès, c'est comme tout ce que je dis. Raconter quand je pense, j'aime assumer tout ce que je dis. De faire mignon devant moi, le plus vexé paiera. À l'aise, vexé paiera, je les baisse, etc. 1. Pour les bifs, j'en donne pourtant pas d'estime. 2. Pour les riffs, 300% pas l'estime. Manquerait plus qu'un rappeur escorté des classes, ma vie. Tellement baraudé que mes faces peuvent porter des places d'appui. Génération qui déboîte sans lice. Retrouvez où ceux qui boitent sans lice. J'ai nommé boîte sans lice. Laisse les rappeurs en liberté tant que j'ai mangé. Laissant la peau d'âme remonte de temps, j'ai sangé. 93 pains de sang, des poules, c'est danger. Je rappe dans la France, crame, car fou, c'est vengé. T'as des points que mon frère, l'arrache coule d'étrangers. Certains vont canner, d'autres restent cool et changer. Les voisins dans les rangs, le pavé, le sang. Y'a plus besoin d'être temps pour laver le sang. Avis au public de France, l'univers a bien commencé à tourner. Qu'on change pas pour lui, qui changera pour nous. Avis à mes frères de France, on se retrouve, mes canets. C'est si, mes canets, c'est si, mes canets. Avis à mes soeurs de France, les bonnes routes, mes canets. C'est si, mes canets, c'est si, mes canets. Avis à mes frères de France, on se retrouve, mes canets. C'est si, mes canets, c'est si, mes canets. Avis au